ambassadeur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce jeudi 26 novembre. Carthagène, c'est une ville en Colombie qui a vécu des moments très durs dans son histoire, mais aujourd'hui c'est une ville touristique. Le photographe Raymond Depardon et l'illustrateur et dessinateur Jacques Loustal sont allés là-bas pour croiser leurs regards et ressortir avec un beau livre qui est édité par Dupuis et une exposition qui a lieu en ce moment à la Maison de l'Amérique latine, aux alentours de 6h20, ils seront mes invités. Mais tout d'abord, c'est notre série, une série avec l'ethnopsychiatre et écrivain Toby Nathan, qui depuis lundi nous raconte comment chercher les mots, comment trouver les bons mots après le choc, trouver les mots, mais aussi chercher les remèdes. Bonjour Toby Nathan. Bonjour. Quatrième épisode, existe-t-il des méthodes psychothérapiques contre la terreur ? Je conteste l'espèce de pensée commune qui s'est répandue à la suite de la psychanalyse d'ailleurs, selon laquelle parler fait du bien. Tout simplement, parler fait du bien. On dit toujours, parle, raconte, etc. Ne garde pas ça pour ne toi. Ne garde pas ça pour toi. Évacue, d'ailleurs. Évacue, voilà. Cette notion-là est une notion qui peut-être est vraie dans les relations sociale, une relation amicale, qu'il ne faut pas garder des pensées agressives envers quelqu'un, après ça peut abîmer la relation, enfin des choses comme ça, ça me paraît raisonnable de penser des choses comme ça. En revanche, quand il y a un choc, un trauma véritable, quand on a subi des moments de terreur ou des moments de frayeur, eh bien après, la parole est peut-être pas la chose la mieux indiquée, on va dire, hein. Et pas n'importe quelle parole en tout cas. Et ça peut pas être une parole qui évacue, parce que ça s'évacue pas, une chose pareille, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, pour vous décrire ça, je vais faire une sorte de parabole, on va dire, hein. Les moments de violence extrême sont évidemment des choses qui modifient les personnes. Ça, c'est une évidence. Il faut partir de cette évidence. Les gens sont modifiés durablement par ces moments de violence extrême. Et dans certaines sociétés, on utilise cette violence pour faire grandir les personnes. Dans certaines sociétés. C'est même les traditions qui sont basées là-dessus. Par exemple ? Alors, je vais vous prendre un exemple qui est un exemple tout bête, qui était rapporté par un de mes collègues qui s'appelle Sori Camara, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un ethnologue sénégalais, en fait. Hein. Un ethnologue français, mais d'origine sénégalaise. Hein. Et il raconte dans un livre qui s'appelle « Paroles très anciennes », un très beau livre, il raconte les traditions de son pays, en fait. Et il raconte en particulier la cérémonie des masques. Alors voilà comment ça se déroule, la cérémonie des masques. Un matin, les enfants se lèvent et les parents ont disparu. Et les enfants cherchent partout leurs parents. Dans le village, il n'y a plus un seul adulte. Il n'y a plus que des enfants. Les enfants sont affolés, qui va faire à manger qui... Et puis tout d'un coup, ils entendent les tambours qui arrivent de la brousse. Et ils sont étonnés d'abord, et puis ils ont peur, bien sûr. Et tout d'un coup, surgissent les masques de la brousse. Mais les masques, c'est terrifiant. C'est-à-dire, les enfants sont tout seuls, il n'y a plus d'adultes, et ils entendent un bruit inhabituel qui fait peur, déjà, les tambours, et tout d'un coup, il y a des masques, c'est-à-dire des monstres qui sortent de la forêt, souvent sur des échasses, des têtes d'animaux sur des corps d'hommes. Enfin, c'est des choses qui font très peur aux enfants. Et ces choses-là surgissent de la forêt et se précipitent sur eux. Donc, vous imaginez, c'est une frayeur organisée. Et c'est même des moments de terreur qui sont mis en scène par la société. Puis après, les masques disent des choses incompréhensibles, et puis ils repartent dans la forêt. Puis les parents reviennent. Évidemment, tout le monde comprend que sous les masques, ce sont les parents qui étaient sous les masques. Mais les enfants, et Sori Camara raconte ça, il est adulte, il est prof de fac à ce moment-là, et il dit, encore aujourd'hui, pour moi, les masques, c'est les masques. Je sais bien que c'était mes parents qui étaient sous les masques, mais pour moi, les masques, c'est les masques. Parce que les masques, ce sont les ancêtres, en fait. On a mis en présence des enfants, on les a mis en présence de leurs ancêtres sous forme de masques. Cette chose-là, cet événement qui est une terreur, on sait que cette organisation sociale de la terreur, à condition qu'il y ait un espace où on est récupéré après. C'est-à-dire que les parents reviennent et ils disent « Tu sais ce que tu as vu là, dans les masques là ? Ce sont nos ancêtres qui sont venus. Ah bon, nos ancêtres, c'est qui nos ancêtres ? Eh bien toi, ton ancêtre, c'est un crocodile. Et toi, un autre enfant, toi, ton ancêtre, c'est un lion. Toi, etc. » Et c'est pour ça qu'ils sont apparus comme ça. Est-ce à dire, Tobinette, tant que c'est tout à la fois initiatique, comment initier Exactement. Les enfants à la violence qui existe dans le monde, il faut faire avec, et en même temps, les initier à se poser des questions sur... Leurs origines. C'est-à-dire que en même temps, on leur donne. Bon, je sais pas pour la violence. Oui, certainement qu'il y a une sorte d'initiation à la violence parce que c'est extrêmement violent, hein, comme mise en scène. C'est une mise en scène extrêmement violente. Même si ensuite on récupère les enfants qui sont en larmes. Évidemment, les petits sont en larmes. Ouais. On les récupère, les adultes les récupèrent, les consolent, les câlinent, enfin, etc. Puis leur racontent. Donc, la violence, elle les déstabilise, et ensuite, une fois qu'ils sont déstabilisés, on les accueille, on les recueille dans un groupe de semblables, et ensuite, on les initie à quelque chose qu'ils ignoraient avant. C'est-à-dire que la violence, c'est le moment qui vous permet de passer d'un stade à un autre, en fait. Hein. Ça, on me l'a raconté, je l'ai jamais vu. En revanche, j'ai vu d'autres choses, moi. J'ai vu d'autres choses quand j'étais en Afrique. J'ai vu, par exemple, il y a un village au bord qui est au bord d'un lac et qui est pas loin de Cotonou, au Bénin. Et c'est au bord d'un lac qui s'appelle Ganvier. Le village s'appelle Ganvier. C'est un village lacustre où les gens vivent uniquement de la pêche et du lac, en fait. Hein. À un moment donné, les jeunes gens, ils ont 18 ans, un peu moins, 16 ans, entre 16 et 18 ans, les jeunes gens se mettent sur une sorte de quai, comme ça, et ils disent au revoir à leurs parents, et ils plongent dans l'eau. Ils ressortiront 6 mois plus tard. Comment ça, 6 mois plus tard ? On dit, ils ont disparu. Ils ont disparu. Et on ne sait pas où ils sont passés. Bien sûr qu'on sait, on va les emmener en brousse, on va les initier, on va leur faire des scarifications, on va les initier à un nouveau monde, quoi. Quand ils ressortiront 6 mois plus tard, les mères pleurent. Elles disent, mais mon enfant a disparu, mon enfant est mort, etc. C'est moitié du théâtre, et moitié, elles sont inquiètes quand même, elles savent pas ce qui va arriver. Et puis, ils réapparaissent 6 mois plus tard, ils sortent de l'eau, hein. Ils ressortent de l'eau. Moi, je les ai vus plonger, je les ai pas vus ressortir, hein. Ils ressortent de l'eau 6 mois plus tard, et 6 mois plus tard, ils sont autrement. Ils ont des marques sur le corps, et c'est plus les mêmes personnes. Ils ont subi une initiation. Alors cette initiation, pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est que ces moments de terreur, de frayeur organisée, de terreur systématique, c'est acceptable, ça métamorphose les gens, à condition qu'il y ait un groupe d'accueil à la sortie, et que cette terreur... et un but, et un sens, en fait. À ce moment-là, la terreur est, on va dire, utile. En tout cas, elle est mise au service du groupe social, en fait. Hein. On va dire ça comme ça. C'est dans les traditions. Ce que je vous raconte sur Ganvier, c'est encore présent aujourd'hui. Hein. Et pour terminer cet épisode, avant de nous retrouver demain à la même heure pour parler de la prévention, Toby Nathan, aujourd'hui, comment, ici, en France, à Paris très précisément, comment préparer les enfants à vivre ce genre d'événements, d'épreuves. Alors, les préparer, je vous en parlerai plus tard, ouais. Mais comment, comment passer ce moment qui a été un moment de violence, en fait, comment soigner ce moment de violence, je voulais dire que quand on a traversé un moment de terreur pareil, on ne sera jamais plus comme avant. Les gens qui se sont retrouvés au Bataclan, qui ont assisté à ce qui s'est passé, qui ont peut-être été recouverts par des corps de morts, peut-être qu'ils ont piétiné des morts, qu'ils ont été touchés au plus près de ce qu'ils ont vécu, ils ne seront plus jamais comme avant. Mais il faut les accueillir dans un groupe qui leur dise « ce qui vous est arrivé, c'est pour vous rendre différent, vous allez apprendre quelque chose que les autres ne connaissent pas. C'est une sorte d'initiation que vous avez vécue. C'est pourquoi je considère qu'une thérapie après ça, puisque c'était la question initiale que vous me posiez, une thérapie après ça, c'est la possibilité d'être intégré à un groupe de gens qui sont des témoins, en fait. De victimes, il faut passer au statut de témoin. Et tout ce qui permet ce passage-là est une bonne thérapie. Tout ce qui fait que on laisse penser qu'une fois qu'on aura déchargé son émotion, on retrouvera l'état d'avant, c'est un mensonge, ça ne se passe pas et ça n'arrive pas à soigner les personnes. Après le choc, trouver les mots, chercher les remèdes avec Toby Nathan. Merci Toby Nathan, on se retrouve demain pour le dernier épisode. Avec plaisir, Toby. Merci beaucoup. Merci. Jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Mes invités Raymond Depardon et Jacques Loustal pour une exposition et un livre. Carthagène, c'est édité par Dupuis. L'exposition a lieu jusqu'au 12 décembre à la Maison de l'Amérique latine à Paris, où il y a les photos de Romain Depardon et les images, les illustrations de Jacques Loustal. Est-ce qu'on peut parler d'un double regard ? L'idée, c'est le regard croisé. C'est-à-dire qu'on est tous les deux lâchés dans cette ville. Et c'est vrai que le photographe, c'est son regard qu'il porte sur les choses. Moi, ma démarche est exactement la même. Et donc, il y a la différence, il y a la subjectivité qu'il peut avoir dans le dessin. Il y a l'instantanéité que peut traduire Raymond dans ses photos. Et il faut savoir que Raymond travaillait à l'argentique, donc on ne voyait jamais les photos qu'il faisait dans la journée. C'est une vieille histoire, la photo et la peinture. Hein. Mais heureusement, là, maintenant, le temps a passé. Les photographes sont un peu moins complexés que les peintres. Mais c'est vrai qu'aussi, je le sais un peu par des gens comme Cartier-Bresson, que j'ai eu la chance de connaître, que la façon qu'ils avaient de casser... ce qu'on on les emmerdait hein, avec les histoires de peinture, les photographes au début du siècle. Et donc, quand est arrivé un petit appareil qui s'appelle le Leica, qui photographiait très vite, qui faisait des instantanés, ils se sont aperçus que l'instantané était quelque chose qui séparait un peu la photographie et la peinture. Quoi. Parce que du coup, les peintres, ils n'étaient pas trop à l'époque. Mais ça ne veut rien dire, puisque un coup de crayon, ça, tu peux l'avoir dans ta tête et tu n'as pas besoin de l'arrêter avant. Donc ça, c'est pareil. Heureusement, maintenant, ça y est, c'est la paix entre nous deux, heureusement, depuis longtemps. Et c'est vrai que il y a dans la gestuelle de tous les jours, en l'occurrence là, des Colombiens, et peut-être quelques bouts de touristes qui traînaient par là, on avait affaire à des gens qui sont plutôt très harmonieux, un décor qui rappelle cet endroit qui est insensé, c'est les Caraïbes, qui est chargé d'histoire et tout. Voilà, on se balade et on marche. Et on ne fait pas marche arrière, pas trop. On avançait comme ça. On a un peu découpé notre voyage, les plages, la mangrove, les hôtels particuliers. Moi, peut-être qu'effectivement, la différence que j'avais avec Jacques, c'est que moi, la couleur, effectivement, vers midi, elle était un peu dure. Donc, j'avais intérêt à me lever un peu de bonne heure. Et puis, j'en faisais tous les jours. Donc, voilà, en dehors de ça, il y a beaucoup de couleurs sur Carthagène. C'est presque même un handicap. Et donc, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le cadre, le moment, la photo, le regard, quoi. Voilà, on peut pas tricher. Donc là, on peut pas dire c'est le décor qui marche pas, c'est pas de ma faute. Là, on est un peu. Et que Jacques n'avait jamais été à Carthagène, et moi j'y avais été il y a très longtemps. Donc on avait cette égalité un peu de regard, un peu de redécouvrir ou de découvrir. Je pense que si on. Voilà, c'était pas une ville, on n'était pas saturé. Oui, c'est ça. Moi, avec le projet d'un voyage, de rapporter des dessins d'un voyage, il faut très souvent que ce soit un regard neuf, une découverte où je me promène dans la ville, n'importe quel paysage, très en absorption maximale, comme ça. Et je me rends compte que quand je me promène, à un mètre près, je vois une image, une composition graphique à partir de l'architecture, à partir de la végétation, comme ça. Et parfois, il m'est souvent arrivé de me dire « Ah ben non, je vais revenir le lendemain faire une photo ou faire un dessin. » Et voilà, le charme est passé, c'est fini, je vois plus du tout ce que j'avais vu à la première vision. Et comme, le choix de Carthagène, moi, j'avais beaucoup voyagé en Amérique latine. La Colombie était un des seuls pays que je connaissais pas avec le Paraguay et l'Uruguay. Le Paraguay m'intrigue, j'aimerais bien y aller d'ailleurs. Ça doit être très particulier. Mais bon, le Carthagène, il y avait toute cette proximité de l'eau, quoi. Hein, moi, c'est important. De la Caraïbe que je connaissais par le nord, quoi. Hein, par tous ces. C'est aussi le Costa Rica, Cuba, tous ces trucs. Et puis, chargé d'histoire, chargé de culture, avec les romans de Gabriel García Márquez, qui on voit sa maison, on retrouve dans ses romans des lieux qu'il décrit. Et que vous avez dessiné, d'ailleurs, que vous avez retrouvé, bien sûr. Oui, oui, ah ben oui, moi je lisais ça sur place et j'aime bien aller voir comme ça où c'était, à quoi ça ressemble maintenant, et pouvoir imaginer. C'est pour ça, quand je voyage, j'aime bien qu'il y ait un écho culturel ou historique où je peux me projeter. Ça, c'est une autre lecture, comme ça, du voyage. Et pas politique. C'est ça qui est très intéressant dans votre livre, Jacques Loussard, Raymond Depardon. Vous vous connaissez depuis longtemps. Vous vous êtes rencontrés la première fois au Maroc. Et vous dites dans ce livre, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire directe avec la France, avec le colonialisme, avec les guerres, le fait que, même si c'est un théâtre de quelques pages d'histoire très, très rude, hein, bien sûr, l'esclavagisme, la traite des Noirs s'est passé par Carthagène. Vous dites dans ce livre que vous étiez du coup plus libre. Oui, on était libre parce que c'est vrai qu'il y avait un. On était étranger, quoi. On était étranger, on pouvait prendre tout ça sans background culturel à part celui qu'on a choisi, c'est-à-dire aller s'intéresser à la culture du coin. Voilà, mais c'est vrai que c'était une. Oui, c'était une période très, très... Enfin, là, c'était plus calme, mais la Colombie... Il y a même une période de l'histoire de la Colombie qui s'appelle la violencia. Donc, à quel point c'était une histoire très, très violente, qu'on voit aussi dans certains livres de García Márquez. Et oui, bah, ça, c'était... Voilà, c'était... C'était un regard neuf et dénué de tout contexte un peu Oui, c'est ça, quand, par rapport à des voyages en Afrique, avec l'histoire de la France par rapport à l'Afrique, tout, en Asie, Vietnam, tout. C'est pas tout à fait pareil, là. C'était, oui, il y avait une plus grande liberté. On n'était pas chargé de tout ça. Ce premier regard, moi, j'y tiens beaucoup, parce que je crois que l'alternative à ça, c'est d'y rester un an en résidence là-bas. Puis de rentrer, de voir comment les gens vivent, leurs problèmes économiques, sociaux et politiques, ça c'est autre chose. D'en faire un vrai travail documentaire. Là, on est un premier regard. Mais j'ai toujours remarqué que le premier regard, il était assez juste. Il était plutôt même très juste. Parce que on n'a aucune... C'est Conrad, hein, c'est au cœur des ténèbres. Ce qui est fort dans Conrad, au cœur des ténèbres, c'est qu'il est étranger à ça. Et c'est comme ça qu'il lui met une distance. C'est ça, sa force. Parce que sinon, on pense toujours que... Bon, Dieu sait, j'ai le respect pour les ethnologues, les gens rouges à tout ça, que de connaître la langue, que de parler, que de connaître toute la situation, ça joue pas forcément pour la photo, pour le regard. Parce que des fois, on peut être un peu paralysé, et puis on peut être influencé, et puis du tout, on fait un autre travail. Donc, c'est Lévi-Strauss. On reste un an, ou on reste 8 jours. Moi, j'ai été chez des Indiens, Yanomami, je serais bien resté un an, bien sûr, avec plaisir. Mais bon, voilà, c'était pas ma fonction, je pouvais pas, parce qu'il faut militer, parce qu'il faut montrer ses photos aux gens, parce qu'il faut rentrer pour les diffuser. On est dans un autre monde. J'ai fait des reportages à long cours, par exemple les paysans, par exemple le désert, par exemple les pensionnaires des hôpitaux psychiatriques. J'y suis. Et à un moment donné, j'en peux plus d'ailleurs, aussi comme tout le monde, je peux plus faire de photos. Et je me forçais, j'essayais, mais je connaissais tout le monde. Mais c'est une autre démarche. Là, on est dans le regard... le regard, je ne sais pas s'il est bon ou il n'a pas de qualificatif sur ce mot regard. C'est un regard. Voilà. À égalité, un peu comme ça, voilà, de deux Français qui viennent photographier une ville d'Amérique du Sud, qui est un pays qui essaye un petit peu, voilà, de sortir de la misère et du conflit politique, d'une grande guerre civile, et qui aussi est content de nous voir. Je crois, j'avais l'impression d'être content de nous voir parce que, voilà, ils sont hospitaliers. Et c'est sympathique. Mais c'est pas que ça. C'est aussi quelque chose qui fait qu'on photographie, et je pense que ça, Jacques aussi, on est quand même des humanistes, tous les deux. On est des humanistes, on photographie les gens. Et on n'a pas fait que des jolies filles sur les plages. On n'a pas fait beaucoup, d'ailleurs, à ma connaissance. On aurait pu en faire. Il en existe, des jeunes. On a fait comme ça un mélange. De comment on a vu en 10 jours, c'est pas énorme, mais c'est suffisant. Et on termine avec le questionnaire de notre jour. Vous allez choisir une question au hasard parmi 3 questions, pardon. Allez. C'est Romain de Pardon qui pioche le premier. Quel est votre plat préféré? Oula, ça c'est... Vous qui avez sillonné le monde. Oui, oui, ben oui, mais c'est un plat français. Forcément, c'est un plat français, je sais pas. Le roast beef. Ah, c'est la même question. J'aime beaucoup le couscous. Mais lequel? Le couscous marocain. Deuxième question, piochée par Jacques Loustal, ce coup-ci. Pour quel personnage de BD avez-vous le plus de sympathie? Eh ben, pour moi, le seul personnage qui traverse toutes les années, c'est tout bête, mais c'est Tintin, que j'ai lu enfant, et c'est le seul que je peux encore lire, contrairement à Astérix, Lucky Luke, que j'ai beaucoup aimé, mais qui me concerne absolument plus. Alors que Tintin, ben, je sais pas, c'est peut-être à cause de Tintin que j'aime voyager, c'est, voilà, Tintin. Moi, c'est la même chose, c'est les histoires de l'oncle Paul, quoi. C'est de Tintin. C'est vrai que il y avait les deux, il y avait Spirou et Tintin, Mais bon, alors de temps en temps, j'ai découvert Tintin plus tard et Spirou avant. Et ces deux personnages sont pas du tout pareils. Il y en a un qui a disparu un peu, Spirou a un peu disparu, et Tintin est resté un peu éternel. Il y a quand même, mais ils ont des points communs, c'est qu'ils voyagent quand même et ils sont tous les deux belges. C'est paradoxal, c'est Spirou qui continue à vivre sous d'autres plumes, d'autres signatures, vous dites qu'il a disparu, et Tintin, pour vous, il est toujours vivant. C'est paradoxal ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. D'autant plus paradoxal que notre livre est publié chez Dupuis, qui publie Spirou. Dernière question. Aimeriez-vous changer de ville? Oui, j'y pense de temps en temps. J'y pense de temps en temps, des villes avec plus de soleil, quoi, quand même, parce qu'il y a des moments, là maintenant, on est en novembre, et il y a des moments où le soleil me manque. Mais voilà, bon, c'est pas simple, Los Angeles, je sais pas où, les villes, voilà, il y a des villes peut-être. Plutôt l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie, une ville africaine, ça me plairait beaucoup, voilà. D'habiter comme ça dans les collines, ou une ville en Amérique du Sud aussi, bien sûr, parce que pourquoi pas. Mais voilà, donc j'aimerais bien, oui, changer de ville. Jacques Loustal. Toujours, quand je voyage et que je tombe sur des lieux comme ça qui me plaisent, j'ai toujours le fantasme de dire, bon, allez, là, l'année prochaine, je reviens là, je m'installe 6 mois, 1 an, dans cette maison-là, au bord de la mer en général, il y a un truc... mais je pense qu'il y aurait toujours un attachement à Paris. Mais par contre, ce désir d'expérience, de vivre ailleurs pendant un temps limité, que j'ai pu faire, j'ai dû faire ma coopération, comme j'ai fait mon service en tant que coopérant architecte au Maroc, sur la côte atlantique, à Mohammedia. J'étais architecte là-bas, et en fait, c'est le seul moment où j'ai vécu 1 an et demi dans une autre ville, avec un salaire, avec une vie, complètement intégré, quoi. Et j'en garde un très bon souvenir, mais j'aimerais bien éventuellement reproduire ça, mais fuir Paris, tout ça, non, moi j'aime beaucoup Paris. J'ai un mode de vie qui fait que je vis Paris très, très agréable. J'ai pas d'horaire particulier. Je dois pas prendre le métro tous les jours. Et je suis très attaché. Je vis depuis l'âge depuis 50 ans, je vis à Paris. Générique de fin. C'était Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, tous les matins à 6h. Et quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast, disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible a été préparé par Anaïs Isberg et Pascaline Bonnet et réalisé par Thomas Duterre. Merci Raymond Depardon, merci Jacques Loustal. Je rappelle Carthagène, votre livre c'est chez Dupuis et l'exposition c'est à la Maison de l'Amérique latine.